La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième épisode de notre série consacrée à l'écrivain franco-russe Nathalie Sarraute. Franco-russe, je le disais, et ça n'est pas sans importance, comme nous l'a rappelé hier Jean-Yves Tadier, car elle a été tiraillée entre son père et sa mère, divorcée quand elle avait 2 ans, l'un vivant en France quand l'autre était en Russie, et inversement, nous avons commencé d'en parler hier donc, tout comme nous avons évoqué son amour pour Proust, Joyce et Virginia Woolf, ainsi que le caractère musical de sa littérature. Demain, nous nous arrêterons plus particulièrement sur le théâtre de Sarraute, théâtre dont l'envie a été impulsée chez elle par le critique d'art Werner Spies, qui lui avait commandé une pièce pour la radio allemande. Et ce sera là une révélation, Jacques Lassalle nous en parlera, tout comme il nous parlera des pièces d'elle qu'il a montées. Jeudi, une émission plus intime, je recevrai 2 femmes qui avaient pris l'habitude de fréquenter Nathalie Sarraute et qui l'ont raconté, chacune dans un livre. Il s'agit de Roland Cos, auteur de Conversations avec Nathalie Sarraute, et de Michel Gazier, à qui l'on doit le livre Nathalie Sarraute, l'après-midi. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une lecture de l'auteur d'enfance par l'une des grandes spécialistes de son œuvre, Pascal Fautrier, qui a écrit plusieurs articles à son sujet et qui a surtout rédigé une thèse sur l'écrivaine de la sous-conversation, thèse dirigée par Julia Kristeva. Avec elle, nous allons parler autobiographie, psychanalyse et en seconde partie, des rapports entre Sartre, Beauvoir et Nathalie Sarraute. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Ce que je pourrais dire à côté, en quelque sorte, je le regretterais chaque fois qu'on fait des confidences, par exemple, ou qu'on se livre. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je le regrette toujours, non pas parce que je me suis livrée à quelqu'un, mais parce que ça me paraît aussitôt faux. Parce qu'il y a toujours un autre côté, il y a toujours autre chose, tout est si complexe. Et c'est pour ça qu'il m'est absolument impossible, par exemple, de concevoir que je pourrais écrire une biographie. Tenir même un journal. À un tel point, il me semble que tout serait faux. Je crois d'ailleurs que c'est Freud qui a dit que toute autobiographie est toujours fausse. Et je crois que c'est ainsi dès qu'on aborde ces sujets qui vous touchent personnellement. Alors qu'au contraire, des morceaux arrachés à soi, des sensations qu'on a pu éprouver passent dans les livres. Et alors là, c'est petites bribes, ces parcelles du monde sensible, elles sont là. Tandis que dès qu'on essaye de construire quelque chose, de raconter quelque chose comme ça, sur soi, j'ai l'impression que c'est toujours un peu fabriqué. Bonjour Pascal Fautrier. Bonjour. Je vous vois écouter avec beaucoup d'attention, peut-être même un peu de recueillement, cette archive de Nathalie Sarraute. Oui. Et d'émotion aussi. Oui. Oui, parce que je l'ai rencontrée à la toute fin de sa vie en 1996. Donc évidemment, c'est toujours une certaine émotion d'entendre sa voix et d'entendre cette retenue, d'ailleurs, qu'on entend dans la voix. Cette retenue, cette réserve, cette pudeur qui, effectivement, fait qu'elle a eu une certaine... comment dire, peut-être même une certaine répulsion à s'engager dans l'écriture de ce qui est finalement quand même une autobiographie, ouais, qui est enfance. Alors, chaque fois qu'on fait des confidences sur soi, dit Nathalie Sarraute, on le regrette car elles ne sont qu'une partie de notre vérité. Oui, alors elle dit très bien dans l'extrait qu'on vient d'entendre que ce qui la gêne, c'est pas tellement dans le fond qu'on essaie d'exprimer des sensations personnelles, plutôt que de raconter une histoire sur soi. Ce qui l'ennuie, ce qui lui paraît faux, c'est de raconter une histoire. C'est de se laisser à raconter une histoire. C'est-à-dire à faire de soi, finalement, un personnage. Et un personnage qui reste le même dans la durée d'une histoire. Et c'est ce qu'elle ne fait pas dans Enfance. Et c'est là où elle renouvelle, en effet, le genre de l'autobiographie, précisément parce que ce sont des fragments et pas une histoire. Est-ce que c'est parce qu'il lui était impossible, elle le dit dans l'archive, de dire qui elle était vraiment et sans doute de dire qui les autres aussi étaient réellement? Est-ce pour cela, selon vous, qu'elle s'est mise à écrire pour saisir mieux justement cela? Alors, ce qui est très paradoxal avec Nathalie Sarraute, c'est qu'elle pense profondément que ce qui est le plus intime et en même temps le plus impersonnel d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce qui est le plus profond à l'intérieur de soi, c'est ce dans quoi chacun pourrait au bout du compte se reconnaître. Alors c'est ça qui est difficile à saisir. Donc elle n'a pas entamé l'écriture d'Enfance pour se connaître, mais pour continuer le travail de l'écriture des tropismes, qui est précisément un travail à ce niveau profond où, selon elle, nous sommes tous faits de la même matière. Alors on va peut-être un petit peu expliquer ce que ça signifie. Mais c'est donc une biographie de l'humanité, alors? C'est l'humanité qu'elle décrit à travers elle? Alors, pas du tout. Le fond est commun. D'ailleurs, elle cite toujours cette phrase d'Ostoïevski qui expliquait qu'il avait découpé ses personnages sur un éternel fond commun de l'humanité. Donc, le fond est commun. Mais à chacun, il est arrivé des aventures particulières. Et par exemple, chacun a entendu, a reçu des mots que les proches lui ont assénés à certains moments, des mots, des formules. Et ce que produisent ces mots dans l'esprit d'un petit enfant, puisque c'est ce qu'elle raconte dans Enfance, dans le fond, chacun peut le ressentir à son tour. C'est-à-dire que chacun peut s'identifier à ces sensations qu'elle essaye de dégager à partir de ce qu'a ressenti la petite enfant. C'est là où on est tous pareils. Mais les mots, évidemment, ne sont pas les mêmes selon les histoires personnelles. Et on va peut-être en donner quelques exemples. Donc il y a une réflexion sur l'inné et l'acquis pour vous? Chez Nathalie Sarraute? L'inné chez Sarraute, c'est l'égalité. Il y a une phrase où elle dit que dans ses textes, elle retire tout ce qui est de l'ordre de l'histoire. Alors l'histoire dans les deux sens, hein, l'histoire dans le sens de la narration, du récit, et aussi l'histoire au sens de la grande histoire, l'histoire collective. Et ce qui reste, c'est l'égalité. Voilà. Et ce qui l'intéresse, c'est de travailler à ce niveau-là et à ce niveau où, au bout du compte, chacun est confronté au fait que le langage le particularise, l'oblige à se particulariser. À partir de cette égalité de tous avec tous, le langage nous oblige à nous particulariser tout petit, nous oblige à nous particulariser dès que nous apprenons à parler. Et ça produit une sorte de déchirure qui est, dans le fond, probablement le sujet principal de son œuvre. Enfance, c'est le livre peut-être le plus autobiographique. Alors allons-y, posons sur la table ce mot-là, le mot d'autobiographie. Elle-même aurait volontiers accepté ce terme d'autobiographie si, il fallait préciser, si on parlait justement de ce qui rassemble les hommes, de ce qui est commun à tous les hommes. Oui, alors d'une part, il faut préciser, alors ce qu'on vient de dire en effet, c'est qu'il s'agit toujours chez Sarraute d'exprimer des sensations en même temps qui sont compréhensibles par tout le monde, que tout le monde peut vivre parce qu'on est tous faits de la même matière, mais en même temps qui n'ont pas encore été exprimées par des mots. Et pour elle, l'acte littéraire consiste précisément à exprimer avec des mots qui signifient autre chose, des sensations qui n'ont jamais été exprimées. Voilà, c'est ça, pour elle, c'est ça l'acte littéraire, c'est de travailler au ras, véritablement au ras du langage. Alors, est-ce qu'elle aurait accepté? Oui, elle acceptait le terme autobiographie. On a pu dire à l'époque, parce qu'elle n'est pas la seule auteure du nouveau roman à avoir finalement écrit quelque chose comme une autobiographie, on a appelé ça la nouvelle autobiographie. Et elle a accepté, bien sûr, qu'il y ait une partie du pacte autobiographique, en tout cas, qui soit respectée. Par exemple, évidemment, qu'une des deux voies, parce qu'il y a deux voies en même temps d'enfance, hein, au moins une des deux voies correspond au nom qui est écrit sur la couverture du livre, à savoir Nathalie Sarraute. Il s'agit donc bien de Natacha, la petite fille qui a été Nathalie Sarraute. On parle d'autobiographie, mais il y a peut-être un autre mot qu'il faudrait utiliser, Pascal Fautrier, c'est celui d'autofiction, parce que Enfance, c'est un livre qui date de 1983. Le concept d'autofiction, c'est 1977. Serge Dubrovski, est-ce qu'on peut alors parler d'autofiction pour Enfance ? Alors, dans la mesure où, moi je définirais l'autofiction comme cela, l'autofiction dans le fond, c'est la réflexion sur ce que c'est précisément qu'un sujet. C'est-à-dire que c'est une critique du sujet classique qui considère qu'un individu, c'est une identité figée, stable, et qu'on peut en faire le tour, on peut expliquer ce qu'il est. Qu'il a une vérité du sujet. Il y a une vérité du sujet. L'autofiction, écrire de l'autofiction, ça consiste à remettre en cause cette vérité du sujet et à s'interroger sur elle et à inscrire cette interrogation dans l'écriture sur soi. C'est-à-dire à écrire sur soi, mais dans une interrogation sur la possibilité de dire la vérité. Et donc, en effet, on peut rattacher par ce biais-là, on peut rattacher les questionnements du dialogue qui introduit Enfance. Hein. Vous savez, les deux voix au début, il y en a une qui demande à l'autre, bon alors tu vas faire ça, tu vas vraiment écrire tes souvenirs. Tu vas vraiment écrire des souvenirs d'enfance. Et puis, alors Sarraute, parce que c'est Sarraute, s'explique en disant, bah oui, je vais faire ça, finalement je vais faire ça, mais je vais le faire à ma manière. Voilà. Je vous propose d'écouter un extrait justement d'Enfance. Comme elle est belle. Je ne peux m'en détacher. Je serre plus fort la main de maman. Je la retiens pour que nous restions là encore quelques instants, pour que je puisse encore regarder dans la vitrine cette tête, la contempler. Il est difficile de retrouver ce que cette poupée de coiffeur avait de si fascinant. Je n'y arrive pas bien. Je ne parviens à revoir que son visage assez flou, lisse et rose, lumineux, comme éclairé au-dedans. Et aussi la courbe fière de ses narines, de ses lèvres dont les coins se relèvent. C'est mon émerveillement qui surtout me retient. Tout en elle était beau. La beauté, c'était cela. C'était cela, être belle. Je sens soudain comme une gêne, une légère douleur. On dirait que quelque part en moi, je me suis cogné contre quelque chose. Quelque chose est venu me heurter. Ça se dessine, ça prend forme, une forme très nette. Elle est plus belle que maman. Maintenant que c'est en moi, il n'est pas question que je le lui cache. Je ne peux pas à ce point m'écarter d'elle, me fermer, m'enfermer seule avec ça. Je ne peux pas le porter à moi seule, c'est à elle, c'est à nous deux que ça appartient. Si je le garde comprimé en moi, ça deviendra plus gros, plus lourd, ça appuiera de plus en plus fort. Je dois absolument m'ouvrir à elle, je vais le lui montrer, comme je lui montre une écorchure, une écharde, une bosse. Regarde, maman, ce que j'ai là, ce que je me suis fait. Je trouve qu'elle est plus belle que toi. Et elle va se pencher, souffler dessus, tapoter. Ce n'est rien du tout, voyons, comme elle extrait délicatement une épine, comme elle sort de son sac et presse contre la bosse pour l'empêcher de grossir, une pièce de monnaie. Mais oui, grosse bête, bien sûr qu'elle est plus belle que moi. Et ça ne me fera plus mal, ça disparaîtra. Nous repartirons tranquillement, la main dans la main. Mais maman lâche ma main, ou elle la tient moins fort. Elle me regarde de son air mécontent, et elle me dit, un enfant qui aime sa mère trouve que personne n'est plus beau qu'elle. Un texte très fort, Pascal Fautrier, surtout quand c'est Sarraute qui le lit elle-même. Absolument. Un texte gênant presque. Oui, et là on est au cœur de ce qu'elle nous livre d'enfance. C'est-à-dire, à mon sens, les raisons qui ont fait d'elle un écrivain et précisément l'écrivain des tropismes. Elle dit ailleurs dans Enfance que jamais aucune parole prononcée n'a eu sur elle l'impact qu'a eu, je m'en mêle dans ma phrase, mais les auditeurs comprendront, qu'ont eu les paroles de sa mère. Donc l'importance énorme de cette mère, et de cette mère qui parle, qui écrit sous un nom d'homme qui signifiait ouragan en russe. Donc c'est vraiment un personnage flamboyant, un personnage très narcissique, et qui pense en effet qu'elle est la beauté, et qu'elle est la femme belle. Et c'est donc très compliqué pour cette petite fille de vivre à côté de cette femme qui est un peu indifférente, qui a cette indifférence des grands narcissiques, des chats, disait Freud, voilà, qui sont comme des chats et qui ne s'intéressent pas tellement aux autres. Et cette mère s'intéresse pas tellement à sa petite fille. Et dans ce texte, on sent toute l'ambivalence, toute la douleur aussi de cette ancienne petite fille, parce que la psychanalyse nous a appris, sur ce point, Sarot est en accord avec la psychanalyse, qu'on demeure toute sa vie, tous les âges par lesquels qu'on a traversé, et Sarot est restée toute sa vie cette petite fille qui souffre de l'indifférence maternelle. Et ça produit de l'ambivalence, et une ambivalence qui produit de la culpabilité. Et là, on a un tropisme qui est inverse de ce que sont souvent les tropismes de la fin de l'œuvre, c'est-à-dire un tropisme qui décrit ce qui se passe avant la profération du mot. Là, la formule, c'est la poupée de coiffeur est plus belle que maman. C'est la formule qui va provoquer la culpabilité et la gêne. Et donc, elle nous explique comment ce qui s'est passé dans sa tête avant qu'elle profère cette parole, qui est une parole de séparation, une parole de désamour. Elle sait très bien qu'elle provoque sa mère. Et la mère, au lieu de passer outre cette provocation enfantine, en rajoute sur l'affirmation narcissique. Et donc là, on a tous les éléments qui nous permettent de comprendre cette relation essentielle pour l'émergence de l'écrivain Sarot. Une culpabilité qu'on pourrait qualifier de névrotique. Alors, il y a des idées d'enfance qui reviennent, qui hantent la petite fille, qu'elle qualifie elle-même d'idées obsessionnelles. Et qui sont en effet, elle parle même de la constitution à un moment donné quasiment d'une névrose. Donc en effet, il y a une vraie douleur dans ce rapport à la mère. Il y a une vraie ambivalence qui, paradoxalement, va s'arrêter. C'est-à-dire que ces idées obsessionnelles vont s'arrêter à partir du moment où la mère abandonne la petite fille. Parce que donc, lorsque Sarot a 9 ans, en février 1909, Boretskaya, comme l'appelle le père de Sarot, qui s'est remarié avec un Boretsky, c'est pour ça qu'il la nomme de cette manière. Boretskaya décide de ne pas reprendre sa fille en Russie et de la laisser à son premier mari. Et donc elle abandonne de fait sa petite fille. Et très curieusement, les idées obsessionnelles cessent à ce moment-là. Par contre, on peut peut-être aborder un autre moment capital d'enfance, c'est-à-dire un moment où la belle-mère énonce ce fait de l'abandon maternel. Et elle l'énonce en russe. La question peut-être du bilinguisme est une question à aborder, qui est une question importante pour l'écriture de Sarot. Et c'est un des seuls moments dans le livre où la formule que va prononcer la belle-mère de Sarot est énoncée en russe dans le texte. Je parle très mal russe, donc les auditeurs russophones m'excuseront, c'est « Tiebia podbrosili », qui veut dire « on t'a abandonné, on t'a abandonné ». Et donc elle reçoit cette formule de la belle-mère, qui est une formule agressive, parce que de cette manière-là, la belle-mère se débarrasse sur la petite enfant de ce qui lui pèse aussi. On lui a mis sur le dos une enfant qui n'est pas la sienne. Elle lui dira aussi « cette maison où nous habitons, ce n'est pas ta maison ». Oui, voilà. Donc il y a une violence de Vera, qui est une femme qui, semble-t-il, est assez une sorte de douleur intérieure, qui est quelqu'un qui a ses propres soucis et qui est, et du coup ça pèse un peu sur ses épaules, cette petite fille qui n'est pas la sienne, qui est celle d'un premier mariage. Bon, et du coup il y a cette agressivité dans cette formule. Et alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on avait une lecture, je dirais, premier degré, ou psychanalytique premier degré de ce texte d'enfance, on pourrait dire, ben voilà, Sarot est devenue écrivain parce qu'elle a été abandonnée par sa mère et qu'elle a réussi à surmonter cette douleur. En fait, c'est plus compliqué que ça. Puisque on voit très bien que dans le tropisme qui démonte, qui déconstruit cette formule de Vera, on t'a abandonné, il s'agit précisément d'exister autrement comme étant la victime de l'abandon de la mère. C'est-à-dire que l'écriture du tropisme, elle consiste à détruire ce qu'il peut y avoir comme arme meurtrière même, hein, elle parle du langage comme une arme meurtrière, dans les mots qu'on reçoit, de les désintégrer, de les analyser au point de les désintégrer pour s'en débarrasser et pour être à nouveau cette liberté, ce fond commun dont parlait Dostoïevski, pour être de nouveau cet être qui a toutes les possibilités d'être et qui n'est pas assigné éternellement à être la victime d'être une petite fille qui a été abandonnée par sa mère. Donc tropisme, hein, ce sont des petits textes. Et il y a donc un petit texte que vous venez d'écrire. Donc ce que vous dites, c'est qu'au fond, c'est une forme de psychanalyse qu'elle fait elle-même quand elle écrit ses tropismes, alors. Parce qu'elle se débarrasse quand même, oui, grâce à l'écriture, de ce traumatisme-là. Moi, personnellement, ça ne m'ennuie pas qu'on énonce les choses comme ça, à condition d'être bien clair sur ce qu'on dit. Parce que Sarraute elle-même a beaucoup expliqué à la fin de sa vie qu'elle détestait la psychanalyse, donc il faut faire très attention. Je crois qu'on peut peut-être expliquer pourquoi, dans un de ses premiers textes théoriques, elle a en revanche énoncé dans une phrase un grand éloge de la psychanalyse, des découvertes de Freud. Et ce qu'il faudrait expliquer, c'est pourquoi c'est pas contradictoire. Parce qu'en fait, il y a deux usages de la psychanalyse. Il y a un usage qui est un usage de recherche, c'est-à-dire où il s'agit précisément de mettre au jour les contradictions, les divisions que les gens ressentent entre ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent paraître, et puis des lapsus, des fantasmes, des pulsions, etc., comme les idées obsessionnelles qui arrivent. Donc cette division du sujet, il y a deux manières de la traiter, y compris du point de vue psychanalytique. Soit on fige les gens dans leur névrose, en disant, voilà, tu es un névrosé, on va t'expliquer, et tu vas toi-même à quel point tu es névrosé, on va mettre au jour la logique de ta névrose. Donc on va finalement servir de la psychanalyse pour assigner les sujets à une identité névrotique, et ça c'est ce que Sarraute déteste. Ou bien au contraire, on se sert de la psychanalyse, et ça c'est ce que Sarraute admire dans ce qu'elle appelle l'immense bond en avant qu'a pu être la découverte de la psychanalyse. Ou bien on se sert de la psychanalyse pour dire aux gens, voilà, vous allez chercher vous-même quelles sont vos propres singularités, la manière dont vous organisez le sens à votre propre insu d'une manière inconsciente, et de quelle manière vous n'êtes pas assigné même à cela. Vous n'êtes ni assigné à ce que vous voulez être ou vous voulez paraître, ni assigné à votre névrose. Vous êtes des possibilités ouvertes, vous êtes une conscience ouverte, comme dit Sarraute dans Tu ne t'aimes pas. C'est l'expression qu'elle emploie. Retournons écouter Sarraute justement. Du dehors, on vous impose quelque chose que vous ne ressentez pas du dedans. Vous êtes obligé d'accepter un rôle qu'on vous fait jouer. La même chose souvent pour le fait d'être une femme. Quand je travaille, l'idée que c'est une femme qui écrit ou un homme ne m'effleure même pas. Et il en est ainsi pour beaucoup, beaucoup de sentiments, de sensations, n'est-ce pas, qui sont propres à tout le monde et sur lesquels artificiellement on vous force à poser une étiquette. Ça, c'est féminin, ça, c'est une chose qu'on ressent parce qu'on est jeune, ça, c'est parce qu'on est vieux. Et les trois quarts du temps, c'est faux. Ça ne répond pas à une expérience véritable, c'est pas comme ça. Ce sont des sortes de clichés, d'idées convenues, c'est préjugés même, qu'on vous impose et que les gens acceptent. Alors, j'ai toujours le sentiment très fort que les gens acceptent de jouer des rôles qui leur sont imposés. Et je crois que je n'ai pas si tort que ça. Les femmes, par exemple, jouent des rôles. Elles s'en aperçoivent maintenant de plus en plus depuis qu'il y a des mouvements de libération de la femme. Mais c'est une chose dont j'ai été consciente étant déjà très jeune. On lui impose à un être humain une certaine attitude qui ne correspond pas à ce qu'elle ressent intérieurement. Et elle s'y plie à tel point que la manifestation de ses sentiments finit par recouvrir les sentiments et se confondre avec eux. Mais si on l'avait laissée tranquille et si on ne lui avait pas inculqué ce qu'elle doit être, elle serait complètement différente. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de Nathalie Sarraute et nous l'écoutons aussi. Mais nous en parlons avec Pascal Fautrier. Qu'est-ce que vous retenez de cet archive dans la droite ligne de ce que vous disiez juste avant, Pascal Fautrier? Oui, alors bon, là on retrouve donc cette contestation de l'identité, hein, de la conception de l'individu comme une identité figée, et qui pour Sarraute est toujours quelque chose qui en effet est imposé de l'extérieur et construit. Ce qui rejoint d'ailleurs, de certaine manière, je vais faire un peu de provocation, ce qu'on appelle la théorie du genre, hein, qui nous explique que le genre sexuel est construit. C'est assez clair dans l'archive. Absolument, c'est assez clair dans l'archive que pour elle, l'identité sexuelle est une identité construite, de l'extérieur. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle nie que nous soyons deux sexes, l'humanité se séparer en deux sexes, les hommes et les femmes, mais ce qu'elle explique de partout et ailleurs, c'est que si on était aussi séparés que ça, on se comprendrait pas du tout, on parlerait pas la même langue. On parlera justement un peu plus tard de cet aspect de l'androgynie, comme pouvait se considérer l'écrivain Nathalie Sarraute. Je voudrais, avant la chronique de Olivier Monique, qu'on revienne sur ce que vous appelez les trois étapes de la subjectivation chez Nathalie Sarraute. Ces trois étapes, c'est la rumination, la beauté mortifère et le déchirement. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que c'est que la rumination chez Nathalie Sarraute? Là encore, dans sa littérature et aussi dans sa vie, puisque on peut prendre l'exemple d'enfance pour en parler. Oui, mais c'est d'ailleurs à partir d'enfance que j'ai essayé. En fait, moi, j'ai lu Enfance comme un livre où elle nous explique comme à partir de quels matériaux psychiques, dans le fond, elle est devenue écrivain. Et donc, il y a effectivement trois étapes. Il y a l'étape de la rumination des formules qu'elle a reçues, et notamment « on t'a abandonné ». Qui est une rumination obsessionnelle, névrotique. Alors il y en a une autre de rumination au sens propre comme au figuré, c'est que sa mère lui disait toujours tu dois mâcher les aliments jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi liquides qu'une soupe. Ah oui, elle raconte ça. Alors c'est ce qu'elle emporte, c'est les mots. Alors c'est un double sens parce que ce sont des formules qu'elle emporte avec elle, parce que donc elle a quitté sa mère, elle emporte cette formule de sa mère, donc elle la rumine mentalement cette formule, et en même temps c'est une formule qui l'assigne à une rumination orale. Bon, on voit bien là, si on a une attention un petit peu psychanalytique à tout ça, qu'il y a un attachement très puissant et qui passe par l'oralité à la mère, et du coup un rapport au langage où il y a à la fois un attachement sensuel primaire au langage et une extraordinaire ambivalence. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'ambivalence névrotique, on va dire. Alors on en rit, mais Nathalie Sarraute, petite fille, du coup s'oblige à mâcher encore quand sa mère n'est pas là. Oui. Et là, c'est moins drôle parce que tout le monde se moque d'elle. Oui. Les gens ne comprennent pas pourquoi elle reste à table aussi longtemps. Les petits-enfants dans le réfectoire se moquent aussi d'elle. Donc, il y a vraiment quelque chose de très concret dans cette rumination et dans la douleur qu'elle provoque. Oui, absolument. Et on voit bien que ça passe par une incorporation de la mère où le sujet et l'objet, c'est-à-dire la petite fille et la mère, sont pas encore vraiment différenciés. C'est-à-dire que, et c'est à ce niveau-là qu'elle va placer à son écriture, précisément. Hein. Ce niveau profond dont elle parle tout le temps, où on est tous pareils, c'est précisément celui où il y a pas encore vraiment de différenciation du sujet et de l'objet, qu'on appelle en psychanalyse un niveau narcissique. Il faut pas entendre au sens courant du fait de s'aimer soi-même, parce que précisément il s'agit pas de ça. Mais qui est ce moment où l'enfant ne s'est pas encore constitué comme une identité, ne se reconnaît pas forcément dans la glace, etc. Ou alors se reconnaît déjà, mais enfin c'est pas constitué comme une identité fixe extérieure, et où en effet il est dans un rapport à la mère où il a du mal à se détacher et où ça provoque des tas d'ambivalence. Alors deuxième étape de la subjectivation, la beauté mortifère. Alors là, c'est le moment où la petite fille est dans une admiration totale qu'elle exprime à plusieurs reprises d'enfance de la beauté maternelle. Elle exprime. Pourtant, la poupée, on l'a vu, est plus belle que la mère. Oui, mais alors attention, parce qu'il y a d'autres passages dans le texte, y compris à la toute fin du texte d'ailleurs, quand elle revoit sa mère assez tardivement. Sa mère revient à Paris, donc après l'abandon, Sarraute a 11 ans. Donc on est en 1911, sa mère revient, et là, elle, il y a une scène absolument bouleversante où elle dit qu'elle embrasse sa mère, où elle retrouve la peau, la qualité de la peau, cette peau soyeuse, cette peau pareille à aucune autre. Et ce qui est très amusant, enfin, quand on connaît très bien les textes de Sarraute, comme c'est mon cas, parce que j'étais plongée des années dedans, ces formules de la peau soyeuse, de cette sensualité de la peau revient dans toute l'œuvre, hante littéralement l'œuvre. Donc ce rapport charnel à la mère, d'une mère qui a été arrachée d'elle, et en même temps cette impossibilité de s'arracher à cet amour de cette mère avec cette peau si merveilleuse et cette mère si extraordinaire, c'est la deuxième étape. Et une deuxième étape, oui, alors il va y avoir la révolte déjà. Hein. Alors précisément, la poupée de coiffeur, c'est la révolte contre la beauté mortifère, contre cette mère, on n'arrive pas à s'en détacher, donc il faut quelque chose d'un peu violent pour réussir à s'en détacher. Voilà. Et alors la troisième étape, c'est justement ce déchirement et c'est l'explosion de la violence, si on peut parler d'explosion. Enfin, en tout cas, c'est l'acceptation que le langage... C'est l'acceptation que le langage sépare et déchire, et c'est la conception tragique du langage de Nathalie Sarraute. C'est-à-dire que ce langage va être approprié par l'enfant comme une arme contre son propre amour fou pour cette mère abandonnique. Et là, il y a un exemple très clair dans Enfance, c'est la scène avec la gouvernante allemande. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur cette scène-là. La scène avec... Attendez, je, tout d'un coup, je vois plus... Au moment où la petite fille est avec la gouvernante allemande, oui. Donc la petite fille qui est Nathalie Sarraute, oui. Et qui menace de déchirer avec de très lourds ciseaux... Ah oui, voilà, avec les coussins. Le canapé. Oui. Oui, alors moi, je l'interprète vraiment comme une métaphore du tropisme, c'est-à-dire de Sarraute devenant écrivain. Elle est vraiment... elle a vraiment des ciseaux en main pour découper le langage en deux parties antagonistes. Puisque l'écriture de Sarraute est vraiment antagonique. Il s'agit de lutter contre une forme de langage qui fige, le langage de la beauté maternelle, qui renvoie sans cesse à des clichés, qui vous assigne à une identité, à être la petite fille abandonnée par la mère, par exemple, etc., etc., etc. Donc, et contre ce langage, à déchirer cette apparence du langage, réellement, pour retrouver... Une sensualité, alors peut-être aussi pour retrouver un amour maternel primaire, c'est ça l'ambiguïté, mais pour retrouver ce fond commun d'avant le langage qui permettait d'être cet être plein de possibilités qui n'avait pas encore été abandonné par la mère. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Pascal Fautrier, nous allons continuer à parler de Nathalie Sarraute avec vous, mais comme chaque jour, au mi-temps de cette émission, eh bien c'est le moment de rejoindre nos camarades de la presse pour En compagnie des revues. Et le mardi, comme de coutume, Olivier et Moni nous appellent de Bordeaux, en duplex de chez nos amis de France Bleu, que je remercie d'ailleurs au passage. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Alors Olivier, aujourd'hui vous allez nous parler de la littérature qui serait, si je vous ai bien compris, un nid d'espions. Oui Mathieu, c'est ça en quelque sorte. C'est en tout cas, pour ne rien vous cacher, la réflexion que je me suis fait en lisant les passionnantes mémoires, très attendues, de John le Carré, à paraître début octobre prochain, le 6 je crois, sous le titre « Le tunnel aux pigeons ». Le Carré y confirme, plus qu'il ne le révèle à vrai dire, que s'il est bien considéré comme le maître absolu du roman d'espionnage, c'est d'abord parce qu'espion, il l'a longtemps été lui-même, notamment en Allemagne, pour le compte des services secrets britanniques, du MI5 et du MI6. Néanmoins, Le Carré est trop subtil et trop fin romancier pour s'en tenir là. Il transcende l'anecdote pour se peindre comme en creux, témoin impavide des convulsions du siècle, des faiblesses de ceux qui le peuplent, ainsi qu'il convient à un espion, et ainsi qu'il convient aussi à un romancier. Car, et c'est là que je... J'ai l'impression que la ligne avec Bordeaux est coupée. Pascal Fautrier, je ne sais pas si vous vous y connaissez en espionnage et en littérature d'espionnage, et si donc vous voulez ajouter un mot au début de chronique qu'on a pu entendre d'Olivier Mauny. Ça va m'être difficile, je suis désolée. Non, il n'y a pas un peu d'espionnage quand même chez Nathalie Sarraute? En tout cas, il y a un soupçon vis-à-vis du langage, un soupçon généralisé vis-à-vis du langage. Alors, on va écouter quelques notes de musique, voir si on peut retrouver Olivier Mauny. Difficulté à joindre Bordeaux et nous saluons Olivier Mauny, dont nous retrouverons la semaine prochaine. Sans doute a-t-il été la victime d'un espion bordelais, comme on sait qu'il en existe beaucoup. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez et nous entrons bientôt dans la seconde partie de notre émission. Pascal Fautrier est mon invité et elle nous parle de Nathalie Sarraute qui était écrivain, un écrivain qui se trouvait être aussi une femme. Encore récemment, j'étais à Stockholm et on me demande quelle ressemblance y a-t-il entre moi et Marguerite Yourcenar. Et je dis, il y a une immense ressemblance, c'est que nous sommes toutes les deux des femmes. Je dis, il y a une ressemblance encore beaucoup plus grande entre elle et Marguerite Duras. Parce qu'elles sont à la fois des femmes et elles s'appellent Marguerite, toutes les deux. Parce qu'autrement, il n'y a rien. Il n'y a rien de commun, ni entre elles deux, ni entre moi et elles. Rien, absolument rien. Il n'y a pas d'élément de comparaison. C'est autre chose complètement. Il y a un autre tempérament, d'autres univers, enfin rien. Mais il faut qu'on nous colle ensemble. C'est affolant. Affolant. Chaque écrivain a un univers qui est à lui, homme ou femme. Et qui est une sorte d'absolu où il est enfermé, si c'est un véritable écrivain. Et peu importe son sexe, son âge, son appartenance, c'est un monde à soi. Pascal Fautrier, on vient de l'entendre, pour Nathalie Sarraute, il n'y a pas d'écrivain ou d'écrivaine. Elle disait de l'écriture qu'elle était androgyne. Oui, alors c'est toujours la même question. C'est-à-dire qu'elle se place à un niveau de compréhension et un travail au ras de la langue où, en effet, les identités arrivent de l'extérieur et ne sont pas encore constituées, de fait. Pour le théâtre, par exemple, elle explique très bien que si ces personnages sont des femmes, aussitôt, ils vont être chargés en plus de du sens qui est induit par le texte, ils vont être chargés de sens parasites. On va attribuer, par exemple, s'il s'agit d'une situation où une femme, par exemple, pour un nom, hein, on a deux personnages, l'un est célibataire, l'autre ne l'est pas. Si ces deux personnages sont joués par des femmes, on va aussitôt penser que la femme est jalouse, la femme célibataire est jalouse de la femme mariée, parce que, etc. Donc on va ajouter des sens qui ne sont pas dans le texte. Et du coup, elle ne peut pas faire jouer ces personnages par des femmes pour cette raison. Voilà. Mais pour un oui, pour un non, on peut considérer qu'il y a domination par l'argent, parce qu'on comprend que l'un des personnages a plus d'argent que l'autre. Donc est-ce qu'on peut vraiment s'extraire pour être dans la littérature totalement pure? Est-ce qu'on peut s'extraire des rapports de la société qui nous entoure quand on regarde une pièce? C'est pas ce qui se passe, oui, effectivement, c'est pas ce qui se passe dans Pour et on pourra non, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que ce qui est génial dans cette pièce de Sarraut, à mon sens, c'est qu'on est vraiment à la lisière entre sans doute ce qui s'est écrit de plus abstrait, à la fois dans le théâtre, y compris dans la littérature du XXe siècle, et puis en même temps, on est encore dans la figuration. Mais les deux personnages, vous avez raison de dire qu'il y a une différence du point de vue social entre les deux qui est assez marquée, mais tout le drame du texte consiste à montrer qu'à un moment donné, le rapport de domination s'inverse, peut s'inverser. C'est précisément parce que ces états identitaires sont extérieurs et qu'on peut toujours s'en extraire. On peut toujours se placer à un autre niveau et s'en extraire. C'est ça qu'elle essaye de nous dire tout le temps et partout. Et pour la question du rapport entre les sexes, c'est la même chose. Elle ne dénie pas que nous soyons sexués, etc. Quoique je vais dire autre chose là-dessus, hein, pour préciser. Mais elle ne dénie pas d'une manière générale, à l'évidence, évidemment. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer qu'on peut se libérer de ce qui nous est imposé comme manière d'être extérieure associée au sexe. C'est-à-dire pas parce qu'on est une femme qu'on doit forcément se comporter de telle manière. Donc elle nous aide, le tropisme nous aide à nous émanciper aussi, hein, d'une certaine manière. C'est une machine de guerre contre l'obsession identitaire, le tropisme, si vous voulez. Et donc ça peut nous aider, donc, la lecture de Sarraut peut nous aider à nous émanciper de ce qu'on essaye de nous assigner comme identité extérieure par rapport au sexe qu'on a, par rapport à la situation sociale qui est la nôtre, pauvre, riche, etc. Donc aujourd'hui, où la question de l'identité est première un peu partout, il faut lire Sarraut. On n'a pas assez lu Sarraut ? Absolument. Ou alors on l'a oublié. Non, alors on l'a mise de côté. Sarraut aujourd'hui, comme beaucoup le nouveau roman, précisément et tout le roman moderne, précisément pour cette raison que ce sont une littérature qui remet en cause le sujet classique, est un sujet de l'identité, de l'obsession identitaire, de la construction identitaire. Bon, ce roman remet en cause, donc Sarraut est dans cette tradition, elle se revendique comme étant de cette tradition, remet en cause totalement cette conception de la subjectivité. Et c'est bien pour ça qu'elle suscite aujourd'hui des réactions négatives et d'oubli, je dirais, volontaire, enfin, de rejet même. Donc il y aurait quelque chose de politique dans cette écriture qui a l'air d'être tout à fait apolitique, d'être tout à fait en dehors de la politique. Oui, parce que alors on a évoqué donc une genèse du tropisme qui est le rapport à la mer. Bon, il y en a une autre, c'est le rapport de Sarraut, c'est ce qui s'est arrivé à Sarraut pendant la Seconde Guerre mondiale quand même, hein, qui est, je crois, que vous avez évoqué un petit peu hier, à savoir que tout d'un coup en 1940, on lui explique qu'elle est juive et que donc elle a plus le droit d'enseigner, ou elle est rayée du barreau, elle est avocate, elle est rayée du barreau. Elle est obligée de se cacher sous un faux nom avec ses filles et puis séparée de ses filles parce qu'elle est juive. Et donc elle va d'ailleurs croiser Beckett, qui est un grand résistant à l'époque, bon, etc. Et elle va avoir une expérience là complètement dramatique qui a un trait avec la question, qui a un rapport avec la question de l'identité. On l'assigne à une identité qui en plus fait qu'elle risque d'en mourir. Et alors c'est d'autant plus surprenant pour elle que l'identité juive n'est pas quelque chose de présent jusque-là dans le milieu dans lequel elle a vécu. Elle est d'un milieu qui est de gauche, on dirait aujourd'hui d'extrême gauche. Son père, sa mère, son oncle a été un socialiste révolutionnaire accusé de terrorisme en 1907. Donc ce sont des gens qui sont d'extrême gauche. Pour eux, ce sont vraiment des gens qui sont convaincus de l'égalité qui va être aussi pour Sarraut un postulat de son écriture entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres. Je veux dire, ce sont des gens qui ont complètement intégré cette révolution anthropologique, et de cette manière la révolution française, la mentalité issue de la révolution française, sur le fait que les êtres, quelles que soient leurs origines, les êtres humains sont tous absolument égaux. Donc en effet, lorsqu'en 45 elle écrit son premier roman, elle a déjà écrit les petits textes de tropisme en 1939 qui n'ont reçu aucun écho à part de lettres reçues, je crois que vous l'avez évoqué hier. En 45, quand elle rencontre Sartre et qu'elle est en train d'écrire Portrait d'un inconnu, et que Sartre l'encourage à écrire, ils ont des conversations à ce moment-là, etc. Et il va publier des extraits avant publication de Portrait d'un inconnu dans les temps modernes. Évidemment que cette expérience qu'elle vient de vivre ajoute, si vous voulez, une seconde motivation extrêmement puissante à la première motivation qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est en effet une motivation historique et politique. Donc une partie de cette révolution littéraire que propose tout d'un coup Nathalie Sarraut et de cette dépersonnalisation extrême, de ce refus du sujet, de ce refus d'un personnage qui aurait une identité, c'est pour vous, et là on rejoint peut-être la psychanalyse, une réaction notamment à la Seconde Guerre mondiale. C'est notamment une réaction à l'assignation identitaire, oui, qui fait que 6 millions de Juifs ont été exterminés à ce moment-là, absolument. Alors, l'identité, chez Nathalie Sarraute, c'est aussi une identité de femme qui n'est pas une identité de mère. Je voudrais qu'on écoute ce qu'elle dit sur son rapport à la maternité. Les enfants m'ont énormément apporté, autant de souffrance d'ailleurs que de joie. De souffrance qui venait plus de moi que d'elle, parce que c'était des enfants tout à fait charmantes, mais moi j'avais trop cette tendance à travailler les êtres humains comme des êtres humains dont je me sentais responsable, un peu comme plus tard je travaille mes textes, n'est-ce pas, à les ennuyer, à leur chercher une espèce de perfection qui maintenant me paraît stupide d'avoir essayé, même comme ça, surtout la crainte qu'elle-même ne travaillerait pas, etc., et qu'il y aurait le malheur d'avoir des filles dans ce sens. Pas du tout parce que les filles ne sont pas agréables, au contraire, mais parce que je me disais que je devrais lutter contre toute la pression sociale terrible qui les empêcherait de se réaliser. Ce serait une lutte, et c'était en effet une lutte continuelle, parce que tout pousse les filles à se laisser aller, à s'abandonner complètement. Alors elle-même était déchirée entre ma vision de la vie et la leur, et pas la leur, celle qu'on leur imposait partout, tout autour d'elle, toute cette imagerie, n'est-ce pas, de la réalisation féminine. Alors j'en ai souffert, j'ai dû certainement aussi les faire souffrir tout en les aimant avec une passion extrême, même trop grande, cherchant toujours à les défendre contre tout ce qui pourrait leur arriver. Et c'est une période évidemment très riche de la vie affective, mais ça n'était absolument pas possible que ça remplisse ma vie. Enfin, c'était pour moi, que la vie soit remplie uniquement par ça, était, en ce qui me concerne, était une mutilation terrible, pour moi un malheur. Voilà, que la vie d'une femme, Pascal Fautrier, soit occupée uniquement par les enfants, est une mutilation terrible, un malheur, dit Nathalie Sarraute. Oui, enfin, moi, il n'y a rien qui me choque, là-dedans. Non, mais encore faut-il le dire. Encore faut-il le dire. Peut-être, effectivement, aujourd'hui, ça résonne un peu bizarrement. Mais c'est toujours la même idée que l'assignation à un rôle figé, et le fait d'obliger les gens, finalement, à ne se concevoir qu'en fonction de ce rôle, en effet, elle est mutile de possibilités infinies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute la littérature de Sarraute, elle est vraiment portée, et c'est là-dessus d'ailleurs qu'elle a rencontré Sartre. C'est quand même une conviction qu'elle partage avec Sartre, à savoir que la question est celle finalement de la liberté, c'est-à-dire de réaliser le maximum de possibilités d'être, et en tout cas, en conscience de savoir tout le temps, d'essayer de savoir tout le temps qu'on les conserve, ces possibilités d'être infinies, qu'on les conserve en droit, qu'on les conserve au moins en droit. C'est ce qu'elle appelle, encore une fois, donc la conscience ouverte. Et ça résonne avec la philosophie de Sartre. Quand elle rencontre Sartre en 1945, il y a un accord sur ce point. Donc là encore, on frôle un petit peu les questions de militance, les questions politiques. Est-ce que le mot de féminisme peut fonctionner avec Nathalie Sarraute? Est-ce que vous diriez ça, Pascal Fautrier? À vrai dire, c'est pas une question est-ce que Sarraute est féministe? Je sais pas, c'est une question très intéressante à poser en soi, si vous voulez. Ce qui est plus intéressant, c'est de montrer que le féminisme, ça n'est pas d'opposer un sexe à un autre, en tout cas de son point de vue. En tout cas, le féminisme de Sarraute, qui est le mien aussi, il s'agit pas d'opposer un sexe à un autre, il s'agit pas d'opposer à une identité à une autre, c'est-à-dire qu'il s'agit pas d'imaginer une nouvelle identité féminine contre les anciennes ou je ne sais quoi, pas du tout. C'est sans arrêt cette idée on doit inventer son propre chemin, et un chemin qui est celui de la singularité, qui est pas celui de l'identité collective ou de groupe. Oui, mais c'est donc donc une forme de féminisme quand même. Alors c'est une forme, c'est une forme. Pour moi, c'est une forme de féminisme, absolument. En même temps, Sarraute n'était pas quelqu'un qui aimait tellement les formes collectives de militance. Elle a signé le manifeste des 121, néanmoins, pendant la guerre d'Algérie. Donc elle n'est pas non plus quelqu'un, il ne faut pas non plus caricaturer le nouveau roman, puisqu'effectivement, elle a été embarquée par Rob Grier dans cette aventure de nouveau roman à partir des années 50. Et évidemment, la rupture avec Sartre Beauvoir, c'est la question de l'engagement politique et de l'engagement à l'intérieur du texte. Donc évidemment que dans le texte de Sarraute lui-même, il n'y a pas de prise de position politique sur l'actualité, par exemple. Donc de même sur le féminisme, on ne trouvera pas, si vous voulez, de discours sur la question, sauf dans les interviews peut-être, des petits bouts comme ça. Mais oui, sinon, parce dans qu'on les lui textes, posait quand même la question. Alors, dans les interviews, oui, elle répond, donc vous avez entendu. Bon, mais dans les textes eux-mêmes, on ne trouve pas de discours militant à proprement parler. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Néanmoins, moi, je défendrais l'idée qu'il y a en effet un engagement politique de Sarraute à un tout autre niveau qui celui de la conception, encore une fois, de ce que c'est qu'un sujet. C'est-à-dire de pas ramener un sujet à une identité figée, une identité fixe, qui pour elle est toujours quelque chose d'imposé à l'extérieur. Alors, je voudrais... Est-ce qu'on est dans la politique ou est-ce qu'on est là dans la sociologie ou dans la philosophie? Cela dit, les choses se rejoignent, bien entendu. Je pense qu'on est quand même dans la politique parce que un des marqueurs de ce qu'on appelle la gauche, et Sarraute était un écrivain qui se pensait comme un écrivain de gauche, soyons clairs, c'est quand même la question de l'égalité. Donc c'est ce qui définit un engagement de gauche, et c'est quand même quelque chose qui est fondamental chez Sarraute et qu'elle a absolument jamais lâché. Je voudrais ajouter quelque chose sur la question du... Mais bon, peut-être, allez-y, continuons. Non, mais du coup, je m'interrogeais sur Simone de Beauvoir, puisque donc, vous l'avez dit un petit peu comme ça en passant rapidement, Nathalie Sarraute a été proche de Sartre, elle a été au temps moderne quand même pendant un certain nombre d'années, puis à un moment donné, il y a une séparation, enfin, oui, elle a contribué quand même au temps moderne. Alors, Sartre a publié des textes d'elle, mais elle ne participait pas au comité. C'est ça, elle était publiée quand même au temps moderne. Voilà, elle était publiée par ça dans les temps modernes. Et puis un jour, Beauvoir a refusé un texte de Sarraute. Donc la rupture s'est faite à propos d'un de ses textes, qui est Conversation et sous-conversation. Pourquoi ? Parce que Sarraute attaquait le monologue intérieur, la forme du monologue intérieur, en expliquant qu'elle, ça ne l'intéressait pas, puisqu'elle se situait en deçà du monologue intérieur. Dans le monologue intérieur, le monologue intérieur induit l'idée que... Le moi est constitué comme un personnage, dans le fond. Voilà. Qui se raconte lui-même comme personnage. Voilà. Donc elle se situe en deçà de cette personnalisation. Elle vient de là. Voilà. Mais elle va plus loin. Elle va plus loin dans l'abstraction, en effet. Bien. Donc. Beauvoir, en plus, prend ça très mal, parce qu'elle le prend contre sa propre écriture, et du coup, Beauvoir refuse le texte. C'est un peu malentendu, en même temps, c'est pas passionnant, cette rupture. Alors, il y a d'autres choses, pour Sarraute, Beauvoir, c'est un peu un double de sa propre mère, je dirais. Pour elle, c'est comme, d'ailleurs, Duras aussi, elle voit ces femmes comme des femmes très affirmées, très affirmatives. Elle les caricature un peu, d'ailleurs, hein, parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Quand on s'approche un peu de Beauvoir et de Duras, on s'aperçoit que c'est pas ces espèces d'animaux narcissique sur deux et qui s'aime, qu'elle va décrire dans Tu ne t'aimes pas, qu'elle va caricaturer dans Tu ne t'aimes pas. Donc c'est plus compliqué, mais c'est un peu comme ça qu'elle voit Beauvoir. Voilà. Maintenant, elle va être récupérée, si j'ose dire, par Rob Grier, c'est quand même Rob Grier qui invente le nouveau roman, hein, qui rameute tout le monde autour de lui, etc. Bon, avec une grande énergie. Et elle va marcher dans cette histoire avec un grand scepticisme. Et l'éloignement avec Sartre Beauvoir va être progressif, mais dans le fond il n'y a pas de, moi je dirais qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de désaccord absolument majeur, si ce n'est sur la question de la réflexivité de l'écriture, que Sartre n'aimait pas, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas trop Sartre, c'est la réflexion qu'il lui fait à propos de Portrait d'un inconnu lorsqu'ils parlent ensemble au Flore en 1945 et qu'elle lui montre ce qu'elle écrit. Dans Portrait d'un inconnu, il y a une réflexion qui d'ailleurs rattache Sarraute à la postmodernité, une réflexion sur l'écriture elle-même, sur l'acte d'écrire, sur ce que c'est qu'écrire. Et Sartre n'aime pas tellement ça. Et pour terminer, qu'est-ce que Sarraute pouvait penser de la littérature de Sartre, des mots, de l'enfance d'un chef ? Alors, je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas. Quand je l'ai rencontré à la fin de sa vie, je ne lui ai pas posé. On a parlé surtout de littérature russe et pas tellement de littérature française. Et je ne sais pas. On ne peut pas le deviner ou l'inférer par rapport à ce qu'elle a dit. Parce que je pense que, par exemple, je pense qu'elle a été très intéressée par la nausée. Parce que, de fait, la nausée de Sartre s'inscrit dans toute la tradition de la modernité littéraire dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit bien de défaire ce personnage tout d'une pièce. Le personnage de la nausée est un personnage qui se délite complètement. Et en plus, Sartre, je viens de dire que Sartre n'avait pas la réflexion sur la littérature, mais la nausée est une réflexion sur la littérature, puisqu'il s'agit d'un personnage qui est censé écrire une biographie historique et qui finalement ne va pas l'écrire parce qu'il est angoissé. Voilà, je résume. Merci beaucoup, Pascal Fautrier. Tout de suite, je vous propose de retrouver la poésie avec Jacques Bonafé. Bonjour. Hier, nous avions confié l'oreille à Jacques Reda pour démêler avec lui l'être sur l'univers quelques questions relatives à la physique quantique. Aujourd'hui, dans La physique amusante, parue chez Gallimard, Reda se veut l'homme du chronion, de l'utilité du chronion. La lumière fut pour Huygens une onde. Or, la certitude à présent m'inonde lorsque je nous vois rester hésitant depuis le début de sa longue histoire à la définir tout ondulatoire, que Newton n'eut pas tort et que le temps, cet indéfini lui-même, tolère d'être ensemble une onde et corpusculaire. Mais pour étayer mon opinion, je dois supposer une particule. Avide, autrement le savant spécule, puisse-t-il œuvrer sur le chronion ? Grâce à lui, le temps, notion abstraite et qui sans répit pourtant nous maltraite, se trouve un support physique concret, onde insaisissable où qu'il déambule, il est fait d'instants, chacun une bulle, crevant juste comme on la saisirait. Le colosse tend à ce pied d'argile, le chronion, bref, fugace, fragile. Mais rien n'interdit de croire qu'un jour nous réussirons à le prendre au piège, lui qui se dérobe alors qu'il assiège et mine les murs de notre séjour. L'homme demeure un apprenti, dit Jacques Reda, saisi par le doute dans Sur les deux infinis. Sur les abrupts, quand il varape à l'envers, d'étape en étape, pour aller vers le plus petit, dans le gouffre du minuscule, toujours plus bas, toujours plus loin, sans jamais trouver un recoin où lutiner la particule. Mais parler d'espace ou de temps, à propos de cette coquette, autant dire que l'on caquette et nous sommes des impotents. On peut remarquer que la contrainte métrique, l'obligation du vers et ses calculs nous offrent des lumières particulières. Voyons ce qu'en dit le poète. N'importe, il faut continuer. À votre exemple, si c'est peu de choses après tout que des vers, du moins les faire bien et sans croire qu'un temple conservera jamais leurs souvenirs. C'est vers quoi doit tendre un poète et j'y tends. Me soucie assez peu maintenant du sort que connaîtront ceux-là, que dans le flot de toute poésie ils se perdent, c'est bien, ceux qui les entendront, c'est à d'autres, à vous, qui ira leur juste hommage. L'équation du poète, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Évoquant le là-bas rêvé de Baudelaire, je rêve qu'ici même il a réalité, et que peut-être au fond tout n'est que volupté, indifférente à mes douleurs, à ma colère, depuis le grouillement du champ corpusculaire jusqu'à la valse lente où par la gravité tout danse en même temps attrait et rebuté, comme notre planète avec l'astre solaire. Ce que je lâche tombe et jouit de chuter, l'expansif univers qui fuit de tous côtés ne s'y complaît que si toujours il accélère. La lumière. Comme s'il aspirait à la félicité, ce que pas une loi physique ne tolère, de battre sur le plan de la vélocité la lumière. Laissez-moi vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare. Thank you. Jacques Bonafé qui lit toute cette semaine des textes de Jacques Reda dans la compagnie des auteurs. Un grand merci à vous, Pascal Fautrier, pour votre éclairage sur Sarraud. Je rappelle votre dernier livre, Les Rouges, paru en avril 2014 au Seuil. Et puis un autre de vos ouvrages, voilà, en fait, c'est pas le dernier. Le Paris de Sartre et Beauvoir, voilà, disponible aux éditions Alexandrine. Cette émission a été réalisée comme chaque jour par Laurence Millet. À la console, il y avait Alexandre Dang et à la préparation Corinne Amard, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Demain, le théâtre de Sarraute, nous en parlerons avec le metteur en scène Jacques Lassalle. D'ici là, n'oubliez pas le podcast, Twitter, Facebook et la réécoute en ligne. Vous pouvez aussi rester sur France Culture et écouter Nicolas Martin et sa méthode scientifique. C'est tout de suite, très bon après-midi à toutes et à tous.